Remerciements. Trois femmes extraordinaires méritent mes plus sincères remerciements. Binky Yurban, dont la réaction enthousiaste aux premières ébauches du manuscrit m'a permis de surmonter une longue période de doute. Nan Graham, qui a remanié et corrigé tant de versions du texte que nous ne les comptions même plus. Et surtout, Shona Doerr, qui a passé le plus gros de l'année de la pandémie concentré sur les pages de ce roman, m'empêchant à maintes reprises de tout envoyer promener et qui emplit mon âme de musique et mon cœur d'espérance. Un grand merci également à nos fils, Owen et Henry, qui m'ont aidé à inventer la société Ilium et l'épisode des canettes de soda renversées par Alex S. et qui me font rire chaque jour de ma vie. Je vous aime, les garçons. Merci à mon frère, Marc, pour son optimisme sans faille. À mon frère, Chris, pour son idée d'électrolyse, grâce à quoi Constance a pu enflammer sa pelote de cheveux. À mon père, Dick, dont le soutien m'a poussé à aller de l'avant. Et à ma mère, Marilyn, qui a cultivé les jardins et les bibliothèques de ma jeunesse. Merci à Catherine, pérambulateur, Knepper, pour ses encouragements, qui m'ont accompagné pendant une difficile succession de révisions du texte. À Omer Kazi, qui a cru au personnage d'Homère. À l'American Academy de Rome, et tout spécialement à John Oschendorf, pour m'avoir encore une fois offert un accès à sa brillante communauté, et au professeur Denis Robichaud, qui a corrigé mon grec de néophyte. Merci à Jacques et Al Eastman pour leurs encouragements, à Jess Walter pour sa compréhension, et à Shirley O'Neill et Suzette Lamb qui ont su m'écouter. Je remercie tous les bibliothécaires qui m'ont fourni un texte dont j'avais besoin, ou que je ne savais pas encore indispensable. Merci à Cort Conley pour les documents intéressants qu'il m'a envoyés, à Betsy Burton qui a cru en moi, à Katie Sewall qui m'a assisté dans mes recherches pour le passage sur l'incarcération de Seymour. Merci à la fabuleuse équipe de Scribner, en particulier Rose Lippel, Cara Watson, Brianna Yamashita, Brian Belfiglio, Jaya Miseli, Eric Obing, Amanda Mulholland, Zoe Cole, Ash Gilliam et Sabrina Pioun. Merci à Laura Wise et à Stephanie Evans, qui ont amélioré mon style, à John Karp et à Chris Lynch pour leur incroyable soutien. Merci à Karen Kenyon, Sam Fox et Roy Walsh d'ICM. Merci à Carolina Sutton, Charlie Took, Daisy Merrick et Andrea Joyce chez Curtis Brown. Un gigantesque merci à Kate Lloyd, elle saura pourquoi. Un roman est une production humaine, issue d'un individu particulier et extrêmement faillible. Malgré mes efforts et ceux de la fantastique Meg Storey, je suis convaincu que des erreurs subsistent ici ou là. J'assume l'entière responsabilité des éventuelles maladresses et imprécisions, et des entorses un peu trop audacieuses à la vérité historique. Je rends hommage au docteur Wendell Mayo, qui, j'aime à le penser, aurait apprécié ce livre, et à Caroline Reddy, qui nous a quittés au moment précis où nous allions lui faire parvenir le manuscrit. Toute ma gratitude va à mes amis. Et enfin, merci à chacun de vous, chers lecteurs. Sans vous, je serais vraiment seul à dériver sur une mer obscure, et je n'aurais pas de foyer qui m'attend. Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib.